مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة، مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة. آهن آهن أخوانا حسبتهم دروعا فكانوها ولكن الأعادي، وقلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. متن الأجرومية، الإمام النحوي محمد بن عبد الله الصنهاجي المعروف بن أجر الروم رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام. متن الأجرومية. كور ديسبنسي بار أبو يوسف عبد الله العاجي. باب التوكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثاره واكتفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق الكلام حول باب العطف، le chapitre du عطف. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن حروف العطف عشرة. هل هذا القول صحيح؟ est-ce que c'est vrai que حروف العطف ils sont nombreux de 10؟ ou bien il y a une chose à rectifier par rapport à sa parole. فالحروف العطف على الصحيح أنها تسعة. ils sont nombreux de 9. أنها تسعة. وذكر رحمه الله تعالى العاشر numéro 10 qui est إما. والصحيح c'est que إما c'est pas un حرف عطف en lui-même, لكن العاطف تم الحرف عطف c'est le واو. يعني ils ont évoqué 10 لكن الصحيح c'est que إما il fait partie de حروف العطف. Il a évoqué le waw, walfa, wathumma. On a pu voir que ces trois huruf et kathalika hatta tufid al-ishtirak, al-musharaka fil-hukm. Que la chose qui est qabla al-harf al-atf et la allati ba'daha, la chose qui est après harf al-atf, ils sont associés dans le même jugement. Lorsqu'on dit matalan ja'a Muhammadun wa Aliyun, fa Muhammad et Ali sont venus. Lorsqu'on dit ja'a Muhammadun fa Aliyun, fait Muhammad Ali, ils sont venus. Lorsqu'on dit déjà Muhammadun, summa Ali, fait Muhammad et Ali, kazalika, ils sont venus. A'jabani Aliyun, hatta saubuhu, kazalika, ils sont mushtarak dans le hukm. C'est-à-dire que Ali t'a plu, kazalika, son vêtement. Fait ces quatre huruf, tufid al-musharaka. C'est-à-dire qu'ils sont associés dans le même jugement. Ils sont associés dans le même jugement. Naam. On a pu voir qu'il y a une différence entre le waw et le fa. Le waw yufid mutlaq al-jam, que les deux sont liés dans le même jugement. Amma al-fa yufid al-tartib wa al-ta'qib. Al-tartib, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est venu après l'autre. Wa al-ta'qib, c'est qu'il y a eu un petit moment entre la venue de, ou plutôt entre la venue de l'un et l'autre. Comme par rapport à l'exemple qu'on a cité, Jia Muhammadun fa Ali. Là, la personne qui est venue en premier, c'est qui? C'est Muhammad. Et ensuite, Ali, là, il a succédé. Et Ali, il est venu juste après. Mais lorsqu'on dit déjà Muhammad en somme Ali, kazalika, naam. La jumla tufid al-tartib, que Muhammad est venu avant Ali, lakin, madi ou Ali, il est venu bien après Muhammad. Al-farq bayna, al-wa ou al-fa, plutôt entre le fa et somma, c'est par rapport à quoi? Par rapport au zaman. Al-fa tufid al-ta'qib, la chose qui se fait juste après. Wa somma tufid al-tarakhi. C'est que la chose elle est venue bien après ça, c'est l'asl. Walwaw tufid mutlaq al-jam. Lorsqu'on dit ja'a Muhammadun wa Aliyun, est-ce que ceci yani yufid Est-ce que ça apporte le sens que Mohammed il est venu avant Ali, ou bien que Ali il est venu avant Mohammed? On ne sait pas qui est venu en premier. Lakin on sait que les deux sont venus. Hada, c'est faïdatul waw. Tufid mutlaq al-jam'a. Que les deux sont associés dans l'action. Naam. Ensuite, il avait évoqué, rahimahou ta'ala, aw. On a pu évoquer, naam, aw, kathalika, min huruf al-atr. Et naam, c'est des huruf, tout ce qu'on a pu citer qui marche. Enfin, le waw, le fa, summa, kathalika, aw. Tamam. Ils s'emploient sans shurut. On les emploie sans shurut. Et aw, yakun, bima'na imma at-takhir wa imma al-ibaha. At-takhir, c'est lorsque tu laisses le choix à une personne entre cela et ceci. Tamam. Lakin, il ne peut pas faire les deux en même temps. Mathalan, Shem, tu dis, Tazawwaj hindan aw ukhtaha, fal aw huna litakhir. Laisse les ibaha. Tu ne l'autorises pas de se marier avec les deux, lakin, de se marier avec l'une et pas l'autre. Choisis. Takhir, c'est bima'na, le choix. Aw, kod yakun bima'na, al ibaha. Wal ibaha, c'est lorsque tu lui laisses le choix total de soit prendre l'un ou l'autre, ou soit carrément prendre les deux. Si jamais tu dis, مثلاً, كل هذا أو هذا. كل الخبز أو الرز. Là, tu le laisses le choix. Tu lui laisses le choix. Il peut réunir entre les deux, comme il peut choisir l'un et lui laisser l'autre. Fais ça, c'est الفرق بين ايش؟ التخيير والإباحة. الإباحة تفيد مطلق يعني مطلق الخيار. Il a le choix total. Il fait ce qu'il veut. Il prend entre les soit il prend l'un, soit il prend l'autre, ou soit il prend les deux. Amma takhir, tu ne laisses pas le choix. Il prend soit l'un ou bien il soit l'autre. S'il en a pris un, il doit délaisser l'autre. Imma, on a pu voir que, plutôt il y a M avant, M, on a pu voir que il avait des mahani. Il peut être muttasil et munqati. Al-muttasil, c'est si jamais la chose qui vient après, tata'allaq billazi qabla. Il faut qu'elle ait un lien. Un lien avec ce qui est avant. Mathalan, naam, kama qala subhanahu wa ta'ala, sawa'un 'alayhim. أأنذرتهم أم لم تنذرهم؟ Ça c'est un peu quoi? أم متصلة. Pourquoi? Parce que la chose qui vient après أم, أم لم تنذرهم, elle est متعلق, elle est accrochée à ce qui est avant. Et dalil, c'est que si jamais on efface ce qui est avant, eh ben la jumla qui vient après أم, elle n'a plus de sens. On répète la ayah. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. Si jamais on enlève ce qui est avant, le M et tout ce qui est avant, ça ne fait pas une jumla mustaqima. Lam tumdhir, lam tumdhirhum. Là, la jumla n'est pas complète. Hein? Ça, on appelle quoi? Am al-muttasila, bima'na, annama ba'daha, la chose qui vient après elle, ta muttasila, bima qablaha, elle est liée. Ashma'na talika, annahu, alladhi ba'daha, la yastahani amma qablaha. Il ne peut pas se passer de la chose qui est avant lui. Et le munqati', le munqati', c'est celui dont yani, la chose qui vient après elle peut se passer de ce qui est avant. Qul subhanahu wa ta'ala, on avait évoqué hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur am ja'alu lillahi sharaka hal yastawi al-a'ma wal basir am hal yastawi adh-dhulumatu wan nur ou plutôt tastawi adh-dhulumatu wan nur am ja'alu lillahi sharaka fa ce am huna on appelle munqati'a. Pourquoi? Parce que si jamais tu effaces la chose qui vient avant le M, ce qui vient après aura un sens. مثلاً قل سبحانه وتعالى هل يستوي الأعمى والبصير أهم هل تستوي الظلمات والنور. Si jamais on enlève ce qui est avant, هل تستوي الظلمات والنور, c'est une phrase qui est مفيدة. Ça on appelle quoi? M, cette M là, c'est elle est quoi? Elle est منقطعة. بمعنى que la chose qui vient avant, elle n'a pas de ou plutôt la chose qui vient après elle peut se passer de la chose qui vient avant par rapport à l'istiqama fil jumla, afin que il y en ait par rapport au fait que est-ce que elle apporte un sens ou pas. Là on a pu effacer ce qui est avant et le sens il est et ça donne un sens. La aya elle n'est pas faussée. Wa kadhalika ce qui est après am ja'alu lillahi shuraka, si on a ce qui est avant ja'alu lillahi shuraka kadhalika, c'est un sens. Donc on appelle quoi cette am la munqati'a? C'est quoi la faïda de connaître l'am al-muttasila wal munqati'a? فالمتصلة هي celle qui a la fonction de حروف عطف تام et المنقطعة أصحى بمعنى بل تام أصحى بمعنى بل. Dans la ayah هل تستوي هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور, هنا أم لها بمعنى بل تام. هل يستوي الأعمى والبصير؟ بل هل يستوي الظلمات تستوي الظلمات والنور؟ بل جعلوا لله شركاء. فإذا كان أم منقطعة فبمعنى بل. فبمعنى بل. إذا جملة متصلة فبمعنى أو. سواء عليهم أأنذرتهم أو لم تنذرهم لا يؤمنون. إذا جملة متصلة فبمعنى أو. إذا جملة منقطعة فبمعنى بل. Ensuite, on a pu voir aussi كذلك بل. كذلك parmi les حروف de العطف بل. Il avait évoqué que celui-là, il fonctionne لكن بشرط. Il a un شرط, c'est que le معطوف, c'est ce qui vient après le حرف عطف, il faut qu'il soit مفرد. Même معنى مفرد, il ne faut pas que ce soit une جملة. Afin que بل il soit un حرف عطف, il faut que la chose qui vient après le بل, ce soit un مفرد. Même معنى المفرد الذي ليس بجملة. ليس بجملة. مثلا شما تجي قام سليم بل خالد. فخالد هنا سمعطوف. وبل سأحرف عطف. إلى شو سكي أبونا بس معطوف عليه. Donc il aura le même jugement au niveau de quoi de l'arabe. C'est-à-dire المعطوف. Il aura le même jugement que المعطوف عليه qui est quoi سليم. قام سليم بل خالد. Mais c'est plutôt خالد qui s'est levé. Ça c'est même pas بل d'arabe. Tu veux supprimer la chose que tu as dit avant, tu ramènes bel. Qam salimun, en fait c'est pas Salim qui s'est levé, lakin c'est Khalid. Qam salimun bel Khalidun. Fa Khalidun il est quoi? Si on fait l'iram, on dira marfou'. Marfou', pourquoi? Parce qu'il est ma'touf ala marfou'in. Wal ma'touf ala marfou', marfou'un mithluhu. Et cela, la condition on la répète, c'est qu'il faut que le ma'touf soit mufrad. Ensuite, il a évoqué kadhalika rahimullah ta'ala, la. حرف لا يبوت كذلك كونتي parmi les حروف العطف لكن بشرطين. Il a deux conditions par rapport à cela. Une condition avant qui a considéré qui doit être considérée avant حرف العطف et une condition qui doit être considérée après le حرف العطف. C'est-à-dire il y aura une condition في المعطوف عليه et une condition في المعطوف. فلا condition dans le معطوف عليه il faut que ce soit une jumla qui soit quoi ijabiyya affirmative ou bien amriya qui apporte le sens du amr, la demande. Et il faut que al-ma'touf, c'est-à-dire ce qui vient après là, il faut qu'il soit mufarad. Et on a pu voir qu'est-ce que ma'na mufarad est, laysa bi-jumla. Laysa bi-jumla. Fait si jamais tu dis, مثلاً, ja'a Muhammadun la hamidun. Ja'a Muhammadun la hamidun. Qui est venu? C'est pas Muhammad, lakin ja'a Muhammadun plutôt la hamidun. Tu vas appuyer le sens que c'est Muhammad et non pas Hamid qui est venu par la personne qui a un doute. Est-ce que c'est Muhammad ou bien Ali qui est venu, Muhammad ou bien Ali quoi, Hamid qui est venu. Fait toi tu lui dis, Dia Muhammadun la Hamidun. Fa Hamidun il est ma'touf. Il aura le même i'rab que quoi? Que Muhammad. Et les conditions sont requises. C'est-à-dire ce qui est avant le la, c'est une jumla qui est quoi? Ijabiyya. Dia Muhammadun, c'est une jumla qui est quoi? Ijabiyya, affirmative. Et la jumla, la chose qui vient après, le la, c'est pas, s'il est mufrad. C'est pas une jumla. C'est pas une jumla. Si jamais la condition n'est pas respectée, on est obligé de ramener quoi? Le waw. Le no'atf, il se fera avec le waw. Si une de deux conditions n'est pas respectée, on doit ramener le waw. Maintenant, si jamais je dis la sadaqta wa la kadabta, maintenant. La sadaqta wa la kadabta. On est obligé de ramener le waw. On n'aura pas pu dire la sadaqta la kadabta. On ne peut pas dire cela. Parce que là, la jumla qui est avant là, elle est quoi? Elle est manfiya. Et le shart min shurut al-ma'touf alayhi par rapport à la, pour qu'elle soit un atifa, il faut que le al-ma'touf alayhi, ce soit une jumla qui soit ijabi et là, elle est quoi, manfiya. Et kadhalika, amriya, naam. Utlub al-ilm, la ad-dunya. Utlub al-ilm, la ad-dunya. Utlub al-akhira, la ad-dunya. Faha huna, kadhalika ad-dunya, il est quoi, al-ma'touf على آخرة إلى غالما يعرب ممشي جامل يعرب إلى مقدر بس كي يعني ألف عصافي الدنيا لكن شامل تشوف العرب تم تجيها الدنيا معطوف على الآخرة والمعطوف على المنصوب منصوب مثله تمام. Ensuite il évoquait لكن et لكن il a trois conditions pour que ce soit من حروف العطف. La première condition, il ne faut pas qu'il soit مقترن بالواو. Il ne faut pas qu'il y ait un واو واو العاطف qui vient le précédé et s'atteler avec lui. Il faut que le ma'touf il soit mufrad, c'est-à-dire qu'il ne soit pas une jumla. Et il faut que ce qui vient avant lakin il soit masbouq binafin ou binahin. il faut qu'il soit précédé par une interdiction ou bien par une phrase qui soit négative. Enfin, si jamais toutes ces conditions-là sont réunies, lakin, il sera, ce sera harf wa atf. Et il aura la ma'na de al-istidara, c'est-à-dire ma. Mais ça, monsieur, tu dis, la yakum khalilun, lakin sa'idun. La yakum khalilun, lakin sa'idun. Sa'id, comme khalil, commence à lever et tu veux lui interdire de se lever et tu veux donner la permission de se lever à une autre personne que lui. Tu diras, la yakum khalil, là, c'est un nahi. La première condition, elle est respectée. Lakin, naam. La deuxième condition, elle est respectée parce qu'il n'y a pas le wa qui est entré dans quoi? Dans lakin. Sa'idun, la troisième condition à respecter, parce que sa'id, c'est un mufrad, c'est pas une jumla. Donc, dans ce cas-là, lakin, ce sera quoi? Harf atf. Et sa'idun, huna, ce sera ma'touf. Et là, huna, il est marfou', parce qu'il est ma'touf ala khalil, qui est quoi? Marfou'. La yakum khalilun. Fa al ma'touf ala al marfou', marfou'un mithluhu. Ça, c'est la condition, les conditions par rapport à lakin. Et la dernière qu'il a évoquée, rahmahullah ta'ala, c'était quoi? C'était hatta. Et hatta, tazalika, et le atf bihi, on avait pu évoquer qu'il est qalil. Il est peu utilisé le hatf avec hatta. Lakin, qad yustakhdam. Et les shurut pour que hatta ce soit harf atf, il faut que le ma'touf ce soit un ism zahir. On a pu voir qu'est-ce que le ism al-zahir. Et il faut que ce ism al-zahir il soit un juz min al-ma'touf alayhi ou kal juz min. Soit c'est un élément de lui, ou bien c'est une partie de lui, ou bien comme si jamais c'était une partie de lui. On répète les conditions. Il faut que hatta, pour que soit harf atf et c'est qalil, il faut que le ma'touf il soit un ism zahir. La deuxième condition, il faut que ce soit ce ma'touf là, kadhalika, un juz min al ma'touf alayhi, une partie de lui, ou bien kal juz min. Il est considéré comme étant une partie de lui. Mais si jamais je dis, on avait évoqué. أعجبني علي حتى ثوبه أعجبني علي حتى ثوبه فثوبه c'est quoi? C'est un ism zahir et c'est un juz ou plutôt c'est quel juz min Ali, parce que comme c'est le vêtement, mais le vêtement ça il colle à la peau de la personne, donc c'est comme si jamais c'était une partie de lui. Donc dans ce cas là naam, il aura le rôle et la viabilité d'être un harf atf. أعجبني علي حتى وجهه حتى وجهه أعجبني علي حتى وجهه فعلي تام أعجبني ما إما بلو حتى وجهه même sans son visage تام إما بلو فهنا كذلك وجه c'est un اسم ظاهر et c'est un juz من علي تام. Donc là on a évoqué les deux exemples dans lesquels il est اسم ظاهر وكل juz من علي واسم ظاهر وهو جزء من علي تام. Ça c'était la خلاصه du rapport au حروف العطف تام. Le waw, le fa, thumma, aw et am, ce sont des huruf atf, bila shart. Ils n'ont pas de conditions pour rapport à cela. Bal, wala, walakin, wahatta, ils ont des conditions pour que ce soit des huruf atf. Donc ça, c'était la khulasa par rapport à ce cours qui était muhim. On entre, inshallah, dans le nouveau cours. Il avait évoqué le hukm, après le hukm, il est simple. Il a dit, in atafta biha ala marfu'in, rafa'ta. Si jamais il ma'touf alayhi le marfu', le ma'touf sera marfu'. Si le ma'touf alayhi le mansouf, le ma'touf il sera kadhalika mansouf. Si jamais le ma'touf alayhi le majrour, le ma'touf sera majrour. Si le ma'touf alayhi le majzoum, kadhalika le ma'touf sera majzoum. Tam fayutabi'uhu fi jami' al-ahmal, fi jami' al-ahwal. Falidhalika dhakarahu al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi bab al-marfu'ati min al-asma. C'est pour ça qu'il a évoqué bab al-ma'touf dans le chapitre des marfu'at min al-asma. Car si jamais le ma'touf il est marfu', كذلك plutôt le ma'touf عليه si jamais il est marfou' كذلك المعطوف يسوع مرفوع. C'est pour ça qu'il a évoqué dans ce chapitre là qui est al-marfu'at min al-asma. فالان ان شاء الله rentre dans le nouveau chapitre, dans le nouveau bab qui est bab at-tawkid. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال باب التوكيد وتوكيد يعني c'est بمعنى يعني lorsque tu accèdes une chose c'est le fait d'appuyer au niveau de la certitude et on peut dire bab at-tawkid ou bien bab at-ta'kid. C'est-à-dire à la place du waw, tu mets un alif. Bab ou tawkid ou bab at-ta'kid. Et les deux, bima'na wahid. Il y a juste laka an taqul tawkid ou ta'kid. Fakadhalika huwa, il est évoqué dans le bab, le marfu'at min al-asma, parce qu'il fait partie des tawabi'. Des choses qui suivent ce qui est avant lui. Comme un peu le ni'at. Le ni'at, on a pu voir que yattabi' al-matbu' تنفي إعرابه. Si jamais il est مرفوع, il sera كذلك مرفوع. فكذلك توكيد, il fait partie de ce bab-là qu'on appelle bab التوابع, dont le إنهم c'est celui qui va suivre le متبوع, dans son إعراب. C'est pour ça qu'il a évoqué رحمه الله تعالى باب التوكيد dans bab المرفوعات, parce que on peut trouver le مؤكد, c'est-à-dire la chose qui est appuyée, il va être مرفوع. Donc التوكيد il sera كذلك إيش, il sera مرفوع. فقال رحمه الله تعالى قال التوكيد تابع لمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. لا إله إلا الله رحمه الله تعالى. La définition du التوكيد لكن بالحكم. Ce qu'il a évoqué ici, c'est le jugement. T'as le jugement du توكيد. Et c'est pas la propre définition du توكيد. أما la définition du توكيد, كما ذكر بعضهم, elle est simple en vérité. C'est celui qui appuie, celui qui appuie le mu'akkad, c'est la chose qui est venue avant lui. Le mu'akkad, c'est celui qui a subi l'action d'être appuyé par le tawkid. Et tawkid, c'est la chose qui vient après. On peut l'appeler كذلك al-mu'akkid, celui qui vient appuyer. Fa, na'am, مثلاً, si jamais tu dis, ja'a Muhammadun, le fait qu'on a Muhammadun, le deuxième qu'on a ramené, ja'a Muhammadun, le deuxième Muhammad qu'on a ramené, on appelle ça tawkid. On vient appuyer que Muhammad il est venu. Ja'a Muhammadun, na'am. Là, on a stafid de cette jumla-là que Muhammad il est venu. Si jamais je rajoute Muhammad derrière, Ja'a Muhammadun, là j'enlève toute probabilité que Muhammad il soit pas venu. Ja'a Muhammadun, la personne peut se demander est-ce qu'il est véritablement venu. Tu veux lui enlever toute probabilité, toute pensée que Muhammad il est pas venu, tu rajoutes le tawkid. Ja'a Muhammadun. كذلك, comme on avait pu voir avec certains des dhamair, avec les afham, on a pu voir qu'il y en a qui sont mustatir wujuban, que tu ne devais pas les évoquer. Avec, si jamais je dis avec ana, dans faire le mudari', il n'apparaît pas. Si je dis atlub al-ilm, je ne dis pas atlub ana al-ilm. Ça ne se dit pas. À part si jamais tu veux quoi? Apporter le sens du tawkid. Si jamais on rajoute le ana, atlub ana al-ilm, là tu viens enlever quoi? Tout doute et toute probabilité que tu n'es pas un étudiant dans l'ilm. Lorsque tu dis atlubu ana al-ilm, atlubu ana al-ilm, là tu viens appuyer que tu étudies l'ilm. Donc ça c'est le but du tawkid. Il vient appuyer la chose qui est mu'akkad. Et نعم, la définition qu'ils ont évoquée, قالوا تكرير يراد به تثبيت أمر المكرر في نفس السامع. On répète la définition. قالوا تكريرون. تكرير, c'est le fait de répéter une chose. تكريرون يراد به تثبيت أمر المكرر في نفس السامع. يعني c'est une répétition dans laquelle on veut à travers cela appuyer l'information qui est venue aux oreilles de la personne à qui on fait le discours. Donc c'est le but du tawkid, c'est pour appuyer l'information qui est venue à l'oreille de la personne. جاء علي. جاء علي. Tu vas appuyer le fait qu'il soit venu. جاء علي. Donc ça, c'est un tikrar. Le fait qu'on a répété takrir. فهذا هو إيش؟ التوكيد. التوكيد c'est un takrir. يراد به تثبيت أمر المكرر في نفس السامع. C'est quoi? Si on te demande qu'est-ce que le توكيد, tu dis c'est un takrir. C'est une répétition d'une chose qui est avant lui. Afin de rapporter le sens du توكيد, la chose qui est avant lui. Et ce qu'il a évoqué, rahimallahu ta'ala, on n'a pas traduit, lorsqu'il a dit tabi'un li mu'akkad fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi, ça c'est le jugement. Il a évoqué que at-tawkid c'est un tabi', c'est-à-dire une chose qui suit. Al-mu'akkad, la chose qui vient avant lui. On a deux choses. On a at-tawkid, on a al-mu'akkad. Lorsque je dis mathalan ja'a Muhammadun, fal-Muhammad al-awwal, on appelle ça mu'akkad, celui qui a été appuyé. Et le Muhammad al-thani, on appelle ça quoi? Tawkid. Ou mu'akkid ou bien ta'kid. Tu peux dire les trois. Tawkid, et ça c'est plus répandu. At-ta'kid, c'est aussi répandu la basbihi. Ou al-mu'akkid, kazalika, c'est le sens. Parce que le masdar, le ma'na huna, est al-lazi yu'akkid. C'est qui est venu akkad que moi, yani, comment ça s'appelle? Non, c'est qui est venu akkad Muhammad une deuxième fois? C'est le Muhammad al-thani. Le Muhammad al-awwal, il a été, yani, ukkida bil Muhammad al-thani. Le premier on appelle quoi? Mu'akkid. Celui qui a subi l'action du tawkid. Et le deuxième, on l'appelle quoi? Ta'kid. Celui qui fait l'action du tawkid. Donc il nous évoque là que le tawkid, c'est un tabi'. C'est ce qui vient après le mu'akkad. Et qui va le suivre dans al-raf. dans l'arabe, dans le raf, dans le nasb, c'est le mansoub, mansoub. Dans le khad, c'est le khad ou bien l'ajar, c'est le mahfoud ou bien majrour, il sera kazalika, de la même chose. Et qala wa ta'rifihi. Et ça, c'est obligé. Enfin, al-asr, c'est que al-tawkid vient pour appuyer une chose qui est définie. Parce que lorsqu'on veut appuyer une chose, il faut que la chose soit bien distinguée. Il faut que ce soit une chose qui soit définie. Il faut que la chose soit définie pour qu'on puisse apporter ce tawkid-là, appuyer sur cette chose-là. Mais une chose qui est mubham, une chose qui n'a pas été éclaircie, on ne peut pas ramener, on peut pas ramener un tawkid par rapport à cela. Le tawkid, il faut déjà que la chose en elle-même, le mu'akkad, il faut qu'il soit déjà défini. Pour qu'on puisse bien appuyer. On ne peut pas appuyer une chose sur une chose qui est quoi? Dans laquelle il y a une incertitude, pas une incertitude, dans une chose dans laquelle elle n'est pas désignée. Enfin, lorsqu'il dit wa ta'rifihi, c'est un peu mimba bien étarsel al-hasil. C'est déjà une chose qui est déjà demandée. Lakin, dans d'autres kutub, vous verrez qu'il y a des exceptions. Il y a des exceptions, c'est peut-être pour ça qu'il a ramené wa ta'rifihi. Il y a des exceptions dans lesquelles le tawkid, il peut venir akkad une chose qui est nakara. Lakin, c'est pas le but, inch'Allah, de ce livre-là. Ça, c'est dans un autre kitab. Lakin, anta tahfaz. أن الأصل في توكيد أنه يؤكد المؤكد المعرفة. التوكيد vient pour appuyer une chose qui est quoi définie, معرفة. وقد يؤكد النكرة. Il peut, dans certains cas, être un توكيد la chose qui est نكرة. لكن الأصل, c'est qu'il est quoi? C'est qu'il est بارجلو فيكم, c'est qu'il يؤكد المعرفة. نعم. قال رحمه الله تعالى قال ويكون بألفاظ معلومة. أي ويكون التوكيد بألفاظ معلومة. Il a dit que les termes du توكيد ils sont connus. Et les termes qu'il a évoqués juste après, ce sont les termes yani qu'on appelle pour le توكيد المعنوي. تام المؤلف رحمه الله تعالى là il a évoqué un قسم parmi أقسام التوكيد qui est celui qu'on appelle توكيد المعنوي. Parce que التوكيد ينقسم إلى قسمين. التوكيد ينقسم إلى قسمين. توكيد لفظي et c'est celui qu'il a pas évoqué. وَتَوْكِيدٌ مَعْنَوِي Et c'est ce qu'il a évoqué avec les alphas qui sont ma'lumah, comme l'a dit وَهِيَا النَّفْسِ وَالْعَيْنِ وَالْكُلْ وَكُلْ plutôt نعم وَأَجْمَعْ وَتَوَابِعُ أَجْمَعْ وَهِيَا أَكْتَعْ وَأَبْتَعْ وَأَبْصَرْ نعم Fait ces alphas qu'il a cité رحمه الله تعالى il y a كَذَلِكَ كِلَا وَكِلْتَ لكن inshallah vu qu'il les a pas cités eh ben ils seront cités inshallah dans un autre kitab si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Fait il a évoqué هنا النفس والعين وكل وأجمع. Et ensuite il a évoqué أخوات أجمع. Celles qui peuvent remplacer أجمع. Ces alphas là qu'il a évoqué, ça ce sont on appelle quoi? Des توكيد معنوي. On va voir qu'est-ce que توكيد المعنوي. C'est simple, c'est celui qui est pas لفظي. Donc pour connaître le توكيد المعنوي, il faut d'abord connaître التوكيد اللفظي. التوكيد اللفظي c'est quoi? C'est إعادة المؤكد بلفظه أو مرادفه. التوكيد اللفظي on répète إعادة المؤكد بلفظه أو مرادفه. التوكيد اللفظي c'est le fait de répéter, donc on est toujours dans tikrar, c'est le fait de répéter le mot qui est avant lui, c'est-à-dire le مؤكد avec le même terme, avec les mêmes حروف qu'a le مؤكد, c'est-à-dire le mot qui est venu avant lui sur lequel on veut appuyer ce توكيد, ou bien مرادفه, c'est-à-dire son synonyme. Si jamais je dis مثلاً Ja'a haliyun haliyun, ça c'est un tawkid qu'on appelle lafzi. Pourquoi? Parce que j'ai répété, j'ai réitéré les mêmes termes que le mu'akkad. Ja'a haliyun, et j'ai répété après haliyun. Donc là on appelle ça tawkidun lafzi. Limadha? Li'annani a'adtu al-mu'akkad bi lafzihi. J'ai répété le mu'akkad bi lafzihi. C'est le mu'akkad, c'est quoi? C'est hali. Et je l'ai répété par ces mêmes حروف. عليون جاء عليون عليون si jamais on fait l'arab جاء فعل ماضي مبني على الفتحة عليون فعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والعلي الثاني on dira quoi? توكيد توكيد لعلي والتوكيد لمرفوع مرفوع مثله et le توكيد qui vient apporter le توكيد d'une chose qui est مرفوع il sera مرفوع comme lui comme c'est le cas de هنا de علي C'est faux de dire ja aliyun aliya avec un nasr, ou bien de dire ja aliyun aliyin, ça c'est une khata, parce que comme il a évoqué at-tabi', il a dit dans le jugement, il a dit at-tawkid tabi'un li mu'akkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khatbihi, c'est celui qui le suit dans tous ses états. Si jamais j'aurais dit, مثلا, ra'aytu aliyan, et je veux répéter, c'est bien moi, Ali que j'ai vu, ra'aytu aliyan, aliyan. Huna, il sera obligé de le suivre dans le nasb. Pourquoi? Parce que le mu'akkad, il est mansoub. Marantu bi aliyin, aliyin. Je suis obligé de mettre Ali al-Thani qui est taukid, majrour. Pourquoi? Parce que le mu'akkad, il est majrour. Donc il le suit dans tous ses états au niveau des arabes. S'il est marfou, il sera marfou. Si jamais il est mansoub, il sera mansoub. Si jamais il est marfoud, comme il a évoqué, il sera marfoud. Et comme on peut voir, le taukid, il a lieu sur une chose qui est quoi? Qui est définie. Comme on peut le voir, on dit un aliyun. Aliyun. Non, ça c'est pour les choses qui sont définies. Et kadalika, min bab al-fa'ida, al-taukid, ça peut être quoi? Ça peut être un taukid sur, comme on peut voir ici, un ism al-zahir. Aliyun, c'est un ism al-zahir. Là on parle du taukid qui est l'arbre. Ça peut être sur un ism al-zahir. Ja'a, aliyun, aliyun. J'ai répété un ism al-zahir. Il peut être kadalika, le taukid, sur une chose qui est quoi? Un damir. Un damir, comme on a pu voir, ceux qui sont mustatirs, lorsque tu dis. Qu'il soit mustatir ou qu'il soit bariz. C'est comme je dis, Zahabtu ana, fait le ana huna, c'est un taukid. C'est un taukid, et là c'est un taukid, yani aradna al-mu'akkad bil-lafzihi. Parce que le ta huna, dans Zahabtu, le ta al-muttasila bil-fi'l, il a fi mahal raf fa'il, bima'na ana. Lorsque tu dis Zahabtu, ay ana, je suis parti moi. C'est moi qui est parti. Et lorsque je répète encore le ana derrière, là je viens akkad la ma'na de ce harf là. Tam ce harf plutôt ce ism. Tam qui est le ta, de damir al-muttasil. Ce ta il a bi ma'na, sa ma'na c'est ana. Tam si jamais je veux ramener le tawkid, je dirais pas zahabtu tu. Zahabtu tu. Parce que la personne peut se dire, ah on avait dit que c'est i'adatu al-mu'akkad bil-lafzihi. Qu'on est obligé de répéter, si jamais on veut ramener dans le tawkid al-lafzi, on est obligé de répéter. La chose qui est avant lui, on la répète, il y en a comme elle est. Fahauna, c'est un ta, avec une dhamma. Donc, est-ce qu'on est obligé de dire zahabtu, tout là? Là, on ramène la merna du. On ramène la merna du, comment ça s'appelle, du damir muttasil. Parce que damir muttasil, pourquoi ils l'ont appelé muttasil? Parce qu'il est obligé d'être muttasil. C'est-à-dire que si jamais il n'est pas accroché à une chose, il n'a pas d'existence. On ne peut pas dire zahabtu, tout, ça n'existe pas. Zahabtu, tout. Donc là, on ramène quoi? On ramène son équivalent dans le damir al munfasil, celui qui n'a pas besoin d'être accroché. Et qui est quoi? Qui est ana. Zahabtu ana. Fa ana huna, c'est quoi? C'est un tawkid. Si on fait l'arabe, zahabtu fi'alun ma'adhi mabni ala sukun l'ittisalihi bidamir mutaharrik fi maharraf fa'il. Ou ana, tawkid, le damir al muttasil qui est le ta' huna, tu. Ou a tawkid ala mahalin marfou' marfou'un mithluhu. Ou fi mahal raf mithluhu. Le tawkid qui vient ramener le tawkid sur une chose qui est dans un mahal marfou', il sera kadalika fi mahal marfou'. Donc là, c'est un tawkid par rapport à quoi? Au damir. Le premier c'était par rapport à ism al-zahir. Jia aliyun, jia aliyun, jia aliyun, aliyun. Kadalika ça peut être un tawkid bil harf. Kadalika, un tawkid bil harf, yajouz. Dans le tawkid qui est quoi? Qui est lafzi. يجوز سبحان الله نعم lorsque tu dis مثلا ما جاء علي ما جاء علي tu veux appuyer que Ali n'est pas venu tu ramènes ce quoi ce harf tu ramènes le توكيد tu répètes ce harf là ما جاء علي ما جاء علي فلان ça apporte le توكيد que Ali il n'est pas venu et là on a fait un توكيد sur un harf. On a fait un tawkid sur harf, et a'adna al-harf bil-lafzihi. A'adna al-tawkid bil-lafzihi. Qui est quoi, huna? Le mu'akkad plutôt. A'adna al-mu'akkad bil-lafzihi. Le mu'akkad, c'est quoi? C'est ma. On l'a répété. Ma. La phrase était ma ja'aliyun. On veut rapporter tawkid. Ma ja'aliyun. Ma ja'aliyun. Et le tawkid, c'est le deuxième. C'est toujours le deuxième. C'est pas le premier. Donc les arabes, ce sera la même chose. Il peut être que dans les cas, le tawkid al-lafzi, ça peut être un tawkid d'une jumla. Là, on a vu jusque-là, c'était des choses qui sont mufrada, le ism al-zahir, le harf, et kadhalika, na'am, al-damir. Et peut-être kadhalika un tawkid d'une jumla, ou avant cela, d'un fi'l. D'un fi'l. Tu peux répéter kadhalika un fi'l pour ramener un tawkid. Ja'a aliyun, tu veux appuyer que Ali est venu, ja'a aliyun. Ja'a aliyun. Yani, c'est Ali qui est bienvenu. Ja'a aliyun. Fait le deuxième ja, c'est quoi? C'est un mu'akkid ou bien un tawkid ou bien un ta'kid, comme achète. Et par rapport à l'arabe, ce sera la même chose. كذلك سبت توكيد d'une جملة une جملة كاملة جاء محمد tu veux appuyer le توكيد de la جملة entière جاء محمد جاء محمد fait la deuxième جملة جاء محمد elle est مؤكدة de la première جملة جاء محمد جاء محمد tu appuies le توكيد et par rapport à quoi par rapport à une جملة et il a dit رحمه الله تعالى ou plutôt ceux qui sont parmi les النحاة ils ont dit كذلك بالمرادف c'est pas forcément باللفظ إعادة المؤكد بلفظه de répéter le مؤكد avec ces termes لكن كذلك بمرادفه c'est pas forcément de répéter le terme du مؤكد لكن tu peux ramener quoi son synonyme فمثلا جاء on va rapporter le التوكيد في الفعل جاء on peut le ramener pas forcément par يعني إعادة اللفظ لكن بالمرادف c'est quoi le synonyme de جاء في اللغة العربية أتى tu peux dire مثلا جاء محمد ça c'est la phrase à l'état initial je vais ramener un توكيد لكن بمرادف بمرادف الفعل جاء je dirais quoi جاء أتى محمد جاء أتى محمد فأتى هنا il est مؤكد c'est un توكيد de جاء est-ce que c'est باللفظ هل أعدنا اللفظ est-ce qu'on a répété le لفظ جاء لا لكن on l'a répété par son synonyme donc on a le droit tu as le droit de le ramener par son synonyme et كذلك par ses termes, yani ses propres termes. Et ça, c'est ce qu'on appelle le tawkid, le tawkid al-lafzi. Le tawkid al-lafzi, il ne regarde pas le ta'rif ou pas. La définition, est-ce que la chose est définie ou elle n'est pas définie. Le verbe, مثلا, ce n'est pas une chose définie. Al-fi'l, ce n'est pas une chose définie. Un harf, ce n'est pas une chose qui est définie. Lui, il ne regarde pas. Le tawkid al-lafzi, il ne regarde pas est-ce que la chose elle est définie ou pas. Il se contente de répéter, tout bêtement, le mu'akkad. Imma bil-lafzihi, soit par ses propres termes ou bien soit par son synonyme et ça peut être une répétition d'un harf, une répétition d'un ism, une répétition d'un fi'l, une répétition du jumla entière et le ism ça peut être une répétition d'un ism qui est zahir ja'a aliyun aliyun ou bien d'un mudmar ja'a ji'tu ana ji'tu ana fahuna a'adna le damir al-muttasim bi damir manfasil parce que comme on a pu le voir le damir al-muttasil ne peut pas être répété sans une chose qui est avant lui mais il faut qu'il soit lié à une chose pour qu'il soit répété le premier qism parmi aqsam al-tawkid qui est al-tawkid al-lamdhi ma ta'rifuhu c'est quoi sa définition i'adatu al-mu'akkad bi-lamdhihi ou bimuradifihi le fait de répéter la mu'akkad soit par ses termes ou soit par son muradif c'est-à-dire son synonyme et le hukm qu'il a évoqué il s'applique au mu'akkad qui est ma'nawi al-ma'nawi et c'est le fait de répéter le tawkid plutôt d'appuyer le mu'akkad avec les lafs qu'il a évoqué si on demande quelle est la définition du tawkid المعنوي تدي يعني يكون بألفاظ معلومة كما لدي تم سي لو في دو دابوي تم تؤكد المؤكد بألفاظ معلومة سي لو في دابوي المؤكد avec des alfaz qui sont معلومه et qui sont معدوده qui sont comptées نفس كما لدي العين كل واجمع تمام et les choses qui sont des synonymes de اجمع اتبع وابتع يعني lorsque tu peux rajouter مثلا tu dis جاء القوم اجمع جاء القوم plutôt أجمعون أكتعون أبتعون يعني سي بور أبيي ما معنى أكتع وأتبع سي لا ميم شوز سي سا فو دير أجمع إي سون توس فوني أجمع سي لا ميم شوز كو أجمع سوف كو سي بور أبيي سي بور أبيي أجمع بس سي أون صفة أن بو سي أون صفة دو أكتع أبتع سي أون صفة دو أجمع سي لا ميم سونس دونك إلى دير رحمه الله تعالى كي سون بألفاظ معلومة نعم قال تقول قام زيد نفسه نعم قام زيد نفسه نفسه هنا سي كوا سي ان توكيد لفظي او معنوي لا سي بوت كوا ان توكيد كي معنوي بوركوا باسكو نادي التوكيد اللفظي اعاده المؤكد بلفظه او مرادفه نفسه سي با لو ميم تيرم كو زيد تم نفس سي با لو ميم تيرم كو زيد اي كذلك سي با مرادف تم سي با ان سينونيم دو زيد دونك لا سي بوت كوا ان توكيد كي معنوي اي فاصون سي سامبل اي سون compter les muakkadat qui sont les muakkadat plutôt qui sont ma'nawiyah comme هنا نفس صنف الاعراب قام فعل ماض مبني على الفتحه زيد فاعل مرفوع بقام وعلامه رفعه الضمه الظاهره في اخره لطيف الصفات سبحان الله ونفسه تام نفسه تجرى توكيد تام تجرى توكيد لزيد وتوكيد على المرفوع مرفوع مثله وهو مضاف ولها مضاف إليه بتو دمير متصل في محل جار مضاف إليه رأيت القوم كلهم دونك لا نبي فوار كو نفسه يدات مرفوع باسكو زيد اللي مرفوع il vient أكد زيد et زيد اللي مرفوع donc lui aussi il doit être مرفوع si jamais on aurait dit قام زيد نفسه avec une fatha خطأ أو قام زيد نفسه هذا كذلك سأل لحن في اللغة قال رحمه الله تعالى قال ورأيت القوم كلهم رأيت القوم كلهم فكلهم ها هنا إلى quoi إلى منصوب pourquoi parce que القوم qui est le مؤكد la chose qui on est venu appuyer elle est منصوب donc le son تابع qui est التوكيد il doit كذلك منصوب c'est pour ça que كلهم إلى منصوب قال مرنت بالقوم أجمعين نعم كذلك أجمعين هنا il est في محل plutôt il est مجرور pourquoi parce que son مؤكد qui est القوم il est quoi il est مجرور ça اسمه مجرور بالباء فكذلك أجمعين il peut être que quoi مجرور si on aurait dit مرنت بالقوم أجمعون c'est un خطأ ça c'est par rapport à l'arabe comme on peut le voir il a répété il a évoqué que ce توكيد qui est معنوي il faut qu'il le suive dans l'arabe comme c'est le cas ici مرفوع مرفوع منصوب منصوب مجرور مجرور et كذلك il a dit في التعريف il faut qu'il soit défini si jamais il est défini il faut qu'il soit défini زيدون on a pu voir c'est là que revient l'importance d'avoir connu les choses qui sont définies donc ça a été une belle faïda en vérité qu'il a et le fait qu'il a évoqué المعرفات والنكرة رحمه الله تعالى فزيدون comme on a pu voir c'est quoi c'est une chose qui est définie c'est quoi le dalil qui est défini parce que c'est un halam, c'est un pronom, plutôt c'est un nom propre. Et les noms propres, ils sont quoi ? Ils sont définis dans l'anglais. Et il vient en deuxième position dans les choses qui sont définies. Enfin, nafsu kadalika, il faut qu'il soit défini. Et c'est le cas ici. Pourquoi ? Parce qu'il est mudaf. Il est mudaf à un damir. Comme on a pu le voir, le mudaf, lorsqu'il est annexé à une chose qui est ma'rifa, il devient kadalika ma'rifa. Fa alha huna, dans nafsuhu, alha, nafsuhu, adamir al-muttasil, c'est un damir. Et الضمائر ils font partie des ma'arif بل أعرف المعارف في النحو في النحو dans le نحو dans la grammaire les choses qui sont les plus définies c'est quoi الضمائر les pronoms et نفس c'est un مضاف et on regarde vers quoi il est مضاف il est مضاف vers une chose qui est quoi qui est un ضمائر donc il sera quoi il sera défini et même il est plus défini que زيد il est plus défini que زيد parce que زيد c'est un علم c'est un pronom c'est un nom personnel et نفسه c'est un مضاف الى ضمير et on a pu voir que le مضاف si jamais il est annexé au ضمير il est أعرف من العلم il est plus défini que العلم donc là il est défini كذلك رأيت القوم كلهم كلهم كذلك il est défini parce qu'il est annexé à un ضمير et le fait qu'il soit annexé à un ضمير ça fait de lui une chose qui est définie نعم on va évoquer inshallah certains des أحكام qui sont relatifs au توكيد de la المعنوي دي شوز كي نابا اوكي المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لا برومير دي شوز بارابور او توكيد المعنوي il faut que pour que ce soit un توكيد il faut qu'il soit مضاف تمام il faut qu'il soit مضاف الى ضمير يناسب المؤكد فمثلا lorsqu'il a dit قام زيد فزيد c'est quoi c'est un اسم مفرد نفسه فالضمير كي مناسب لزيد c'est quoi لها On n'aurait pas pu dire Ja Zaidun nafsuhum avec le hum. C'est pas possible parce que hum c'est pour une chose qui est quoi pluriel. Mais là, c'est pas un jama' tam Zaidun. On aurait dit mathan qama Zaidun nafsuha. Le ha c'est pourquoi le féminin. Ou qama Zaidun nafsuhuma. Huma c'est pour un duel. Afin qu'il soit le tawkid ma'nawi, pour qu'il soit un tawkid, il faut qu'il soit annexé à un damir, annahu yudaf, et la damirin yunasib al mu'akkad. Il faut qu'il soit annexé à un damir qui est. Qui rejoint un terme qui est propre au mu'akkad, c'est-à-dire la chose qui vient avant, comme on a pu le voir. Ra'aytu al-qawma. Al-qawma, c'est un jama. Ra'aytu al-qawma kullahum. On n'aura pas pu dire, j'ai al-qawma kullahu. C'est un khata. Donc, ça, c'est la condition, la principale condition par rapport au mu'akkad qui est quoi? Qui est tawkid plutôt qui est ma'nawi. لا بد أن يكون المؤكد والتوكيد وبيان التأكيد يفو كيفا مضاف vers une chose, un damir qui est munasib le mu'akkad. Ça, c'est la première des conditions. Kazalika, par rapport à nafs et par rapport à aïn. Al-nafs ou l'aïn, les deux premiers qu'il a cités. Il faut savoir que nafs ou l'aïn, il faut que tatata'abak maha al-mu'akkad. La chose qui est avant lui, tatata'abak par rapport au pluriel, par rapport au pluriel et par rapport au singulier. Fil ifrad wa fi al-jam'a. Fa huna. قام زيد نفسه on n'a pas pu dire قام زيد أنفسه parce que أنفسه c'est utilisé pourquoi pour le pluriel et si jamais on aurait évoqué une chose qui est pluriel on aurait dit مثلا قام الرجال on n'a pas pu dire قام الرجال نفسه parce que الرجال c'est quoi c'est pluriel donc نفس il faut qu'il soit كذلك pluriel قام الرجال أنفسهم. Et toujours la même histoire du damir. Le même damir, il faut aussi qu'à ذلك, il soit munasib ou mu'akkad. قام الرجال أنفسهم. On n'a pas pu dire قام الرجال نفسه. Ou bien نفسهم. C'est impossible. Hein. Et أما si jamais il est duel, ils ont évoqué que tu as le choix. Par rapport à nefs et par rapport à l'aïn. Si jamais مثلا, on aurait dit قام ou plutôt قام الرجلان, là tu as le choix de dire أنفسهما. Et c'est plus juste. Ou bien tu peux dire qama ar-rajulani nafsahuma. Qama ar-rajulani nafsahuma. Nafsahuma. Pour appuyer le par rapport au duel. Lakin de dire qama ar-rajulani nafsahuma, ils ont dit ça c'est une arabia qui est daïfa. Elle n'est pas très répandue, ils disent même c'est daïf. D'évoquer avec nafs al-ayn, si jamais le mu'akkad est duel, de ramener nafs et wa'ayn au duel. Al-sahih, plutôt pas au sahih, mais la loura qui est fasiha, qui est plus éloquente, avec le duel, si jamais le mu'akkad c'est un duel, avec nafs al-ayn, tu ramènes le pluriel. Qama ar-rajulani anfusuhuma. Et il faut ramener le duel. Anfusuhuma le damir, ama le damir, lui, il faut qu'il le suive. Il faut qu'il suive le mu'akkad. Qama الرجلان تم الرجلان أنفسهما أنفسهما أي لم يشوز قام الرجال الرجلان أعينهما أعينهما نفس وعين سلام شوز تم نفس وعين سلام شوز ce que j'ai évoqué pour نفس تم كذلك pour عين تم قام زيد عينه تم قام الرجال أعينهم تم c'est pas أعينهم ça veut dire les yeux تم العين c'est à dire الذات comme l'espèce, la personne. Ce n'est pas l'aïn l'œil. Et par rapport à Ajma, on y vient, par rapport à Ajma, lui, il peut venir et il yu'akkid le lav al-mu'akkid qui est quoi? Kul. Tu peux appeler le tawkid avec quoi? Le kul avec Ajma. Ja'a al-qawmu kulluhum ajma'una. On aurait pu dire « Ja'al qawmu kulluhum ». Lakin, je veux appuyer encore « Ja'al qawmu kulluhum ajma'una ». Les deux, ce sont des tawkids. « Kulluhum » et « kadalika ajma'una ». Les deux, ce sont des tawkids. « Al-kul » qui est lui un tawkid, il peut être « kadalika mu'akkad ». On le rappuie encore. Avec quoi? Avec « ajma'a ». « Ja'al qawmu kulluhum ajma'una ».« Kulluhum ajma'una ». Et il faut savoir que par rapport à Ajma, lorsqu'il va venir en tawkid de kul, il va le suivre dans le singulier. Si jamais kul il est singulier, c'est-à-dire qu'il est annexé à une chose qui est singulier, kul, et bien kazalika, Ajma sera quoi singulier. Si jamais il est pluriel, il sera pluriel. Si jamais il est si jamais il est féminin, il sera kazalika féminin. Féminin pluriel, féminin pluriel. Amal duel, il n'y a pas. Amal duel, il n'y a pas. Parce que c'est qui là, ou akilta, et ça, c'est une chose qu'on va voir. Si un monsieur dit, مثلاً, akaltu al-lahma, akaltu al-lahma kullahu ajma'. Akaltu al-lahma, j'ai mangé la viande entièrement, et ni pour vraiment dire que j'ai rien laissé. Akaltu al-lahma kullahu ajma'. Fa'aouna, l'lahma, c'est quoi? C'est une chose qui est singulier et qui est muzakkar, c'est-à-dire masculin. Fa'koul kadalika, il va annexer une chose qui est quoi? qui est monasib le mu'akkad, c'est-à-dire qu'une chose qui est singulière. Kullahu. Et ajma' huna, on est obligé kadhalika de le mettre au singulier, parce que la chose qu'on est venu, que kull est venu appuyer, c'était quoi? Une chose qui était quoi? Qui était singulier. Si jamais je dis mathalan, on va pas reprendre dajaja mathalan, si je dis akaltu ad-dajajata kullaha jam'a. Kullaha jam'a, je veux appuyer kullaha avec ajma'. Lakin, je remarque que kull, il est annexé à une chose qui est quoi? Qui est féminin. Parce que ad-dajaja, c'est une chose qui est féminin. C'est de nature féminin. Lorsqu'on a dit akaltu al-laha plutôt ad-dajajata kullaha, il faut que le damer il soit mounasib, comme on a pu voir. Et je veux ramener le taukid encore avec ajma'. Là, je ne dirais pas akaltu al-dajajata kullaha ajma'. C'est une khata. Je dirais kullaha jam'a. Il faut que ajma' sur la fava kazalika yatatabaq avec kull par rapport à quoi? Par rapport au ta'nith, au féminin. Si on est féminin, mufra, il sera féminin kazalika mufra. Donc si on est sur le pluriel, ja'a al-qawmu kulluhum ajma'una. Ok, comme fi qala subhanahu wa ta'ala, fasajada al-mala'ikatu kulluhum ajma'una. Donc fasajada al-mala'ikatu, fal-mala'ika c'est un jama'. Kulluhum, on veut ramener le tawkid avec le kull. Donc on va ramener le kull avec le damir qui est quoi munasib. Et là, c'est le hum, pour al-mala'ika. Je veux appuyer kulluhum avec ajma', il faudra kazalika que je prenne en considération le damir qui est annexé à kull. Si jamais il est masculin, comme c'est le cas ici, et pluriel, il faut kazalika que ajma' soit quoi? Masculin et pluriel. Fasajada al-mala'ikatu kulluhum ajma'una. C'est une khata de dire fasajada al-mala'ikatu, en dehors du Coran, fasajada al-mala'ikatu kulluhum ajma'. Ou فسجد الملائكة كلهم جمعا. Ça c'est une khata. Si jamais c'est féminin et pluriel, مثلاً كذلك. رأيت, pour pas dire bêtise, رأيت أخواتي, je parle de mes sœurs, رأيت أخواتي كلهن جمعا. جمعا. جمعا. Parce qu'il est mansoub, donc il sera كذلك mansoub. فلا هنا, on a pu voir qu'on a ramené le توكيد de akhawati avec un tawkid ma'nawi qui est kul. Donc ce damir, on a pu voir, pour que ce soit un tawkid, il faut qu'il a plutôt ce kul, il faut qu'il ait un damir qui est munasib lil mu'akkad, qui est ici hunna, parce qu'on parle de quoi? Akhawati, qui est féminin et qui est pluriel. Donc kadhalika hun, féminin, pluriel, qui est munasib lahu. Je veux appuyer, je ne veux pas me suffire de ce tawkid là, je veux encore appuyer le tawkid de kul lahunna avec ajma'. Et bien là je dirais quoi? Juma. رأيت أخواتي كلهن جمع. Ça c'est par rapport à أجمع. Ensuite il a évoqué رحمه الله تعالى توابع أجمع. Tu peux aussi كذلك, si tu veux, en plus de أجمع, أجمع il vient rapporter un توكيد après كل. Tu veux encore rajouter du توكيد, tu peux utiliser quoi? Ces choses là qu'il a évoqué رحمه الله تعالى. Il a dit توابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصر. Tu peux dire مثلا رأيت القوم كلهم أجمعين أكتعين أبتعين أبصعين. Là vraiment il n'y a pas l'ombre d'un doute que tu les as tous vus. Tu peux ramener toutes ces choses là et ça c'est très peu utilisé. Ce qui est beaucoup utilisé, c'est après كل de ramener quoi? أجمع. Après كل de ramener أجمع. Ama de tout ramener derrière, c'est possible, ça fait partie de la langue arabe, mais c'est vraiment une chose qui est vraiment nadir, qui est vraiment rare de trouver toutes ces choses là. رأيت أكلت مثلا الدجاجة كلها جمعة كتعة وتجمع بتعة بصعة. C'est vraiment très très rare de trouver ces choses là. Fa'eux ils évoquent, parce que ça doit être évoqué, lakin c'est très peu utilisé, de أكد après أجمع par أكتع وأبصع وأبتع. C'est vraiment rare, lakin c'est possible, tu peux l'utiliser et c'est possible. Non. Après, il y a d'autres choses qui doivent être évoquées dans d'autres livres. Inch'Allah, ça sera la, on va se suffire de ça, Inch'Allah. On va se contenter de cela pour le cours du Tawkid. Il y a d'autres choses à rajouter, lakin, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, ça suffira, Inch'Allah, par rapport à ce bab-là qui est bab Tawkid. Un mouchey, c'est que tu sais que Tawkid, il y a un qasim Tawkid, l'abdi, ou Tawkid, ma'anami. Tawkid, l'abdi, il est simple. C'est le fait de répéter le mu'akkad, soit par ce terme ou bien par son muradif. التوكيد المعنوي كذلك هو simple parce qu'il est mahdoud, il est limité à certains termes. qui sont nafs, aïn, kul ou ajma'. On a pu voir qu'avec nafs, avec tous ces tawkid là, il faut qu'il y ait un damir qui est munasib, l'il mu'akkad. Dans ce tawkid là, il faut qu'il y ait un damir qui revient qui est munasib, l'il mu'akkad. رأيت كم لذيجة زيد نفسه فلها هنا إلى مناسب لزيد. رأيت القوم كلهم أكلت الدجاجة كلها. تبي فك الأمر كمناسب لمؤكد. ensuite il évoque des choses par rapport à nafs et par rapport à l'ayn. il faut que كذلك si jamais le مؤكد il est singulier il sera singulier. si jamais le مؤكد il est pluriel ils seront pluriel. et si jamais le مؤكد il est duel, le mieux, le plus éloquent c'est que tu ramènes nafs ou l'ayn au pluriel et tu ramènes pas au duel. Lakin tu peux, lakin c'est un arabia qui est daif. Par rapport à kul, il peut être lui aussi kazalika ukida bi ajma. On peut rajouter ajma après kul. Et si jamais le damir qui est par rapport à ajma, kazalika, il va se conjuguer avec kul ou plutôt avec le damir qui est muttasil avec kul. Kulluhum kulluha. Donc si jamais il est mansoub, si jamais je veux dire il est pluriel, il sera kazalika pluriel. Si jamais il est singulier, il sera singulier. Si jamais il est féminin, masculin, tam masculin. Un mal duel, il n'y a pas, comme on a pu le voir, puisque ce sera avec lui, ajmer, il vient avec kul. Un mal duel de kul, il y a kila ou kilta. Et ça, c'est une chose, inshallah, qu'on va voir, inshallah, dans un autre livre. Et par rapport à l'arabe, de ajmer, il va suivre kulla. Il va suivre plutôt cool. Si jamais cool, il est marfou, ajma sera marfou. Si jamais cool, il est mansouf, ajma sera mansouf. Si jamais cool, il est majrour, eh bien, ajma sera quoi? Il sera kazalika majrour. Et amma, par rapport au genre et au nombre, il va s'accorder avec le damir qui est muttasib de cool. Ça, c'est la khulasa du cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, en espérant qu'il a été compris. Il est simple, Inch'Allah. T'as mis très simple. Et c'est un bab qui est important, qui est beaucoup utilisé dans le Coran. Donc, Inch'Allah, il suffit de cela. S'il y a des questions par rapport au cours, ou sinon, on se quitte sur cela. Wa barakallahu fikum al hudur. Wa fikum barakallahu wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmid din. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka rabbika astaghfiruka wa atubu ilayk. Ma'a tahiyyati dammaj afaq.com. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar. Al hadar min ar-rukun إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين.